Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes jeudi 2 février 2017. Voici les grands titres de cette édition. 8 policiers ont été blessés par leurs collègues la nuit dernière au camp de la police spéciale de roulage à Bujumbura. Les précisions du porte-parole de la police Pierre Mouriquier dès le début de ce journal. Une décision de justice remet une orpheline dans ses droits en tranchant pour la reprise d'une propriété qui avait été spoliée par son oncle. Nous sommes à Kamenge, à Mirango 1. Un enseignant du lycée communal de Mouvone a été arrêté ce lundi sur son lieu de travail après 3 semaines de cachette. Il est poursuivi pour avoir engrossé une élève. Et proche de chez nous, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi est décédé mercredi 1er février 2017 à Bruxelles en Belgique à l'âge de 84 ans. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. 8 policiers ont été blessés par leur collègue qui à son tour a failli se donner la mort en tirant sur lui-même sans succès. C'était à l'aube de ce jeudi au camp de la police de la sécurité routière à PCR à Bujumbura. Le porte-parole de la police qui confirme les faits explique que l'auteur présentait déjà des signes de problème mental. Pierre Mouriquillé ajoute que parmi les huit, 4 sont grièvement blessés. À 2h du matin, au camp de la police spéciale de roulage et de sécurité routière ici à mairie de Bujumbura, un policier appelé Douimane Samuel s'est réveillé, a pris son arme et s'est dirigé au dortoir de ses collègues. Et puis il a commencé à tirer indistinctement sur ses collègues et en a blessé 8. Après, il a voulu se donner la mort en se tirant dessus, mais il a été simplement blessé. Sur les 9, on a 4 cas qui sont plus ou moins graves, donc des gens dont les os ont été perforés par ces balles. Et l'enquête a commencé et pour pouvoir déterminer les vraies circonstances de cet acte criminel, le policier n'avait pas de conflit avec ses collègues sur qui il a tiré. Seulement, ses collègues ont révélé que ces derniers jours, ils avaient observé un comportement anormal chez ce policier et qui faisait croire à un dérangement mental, mais que les signes n'étaient pas tellement significatifs pour qu'ils puissent en reporter à leur chef hiérarchique qui pouvait prendre des mesures conséquentes. Mais tout sera avec l'enquête qui a déjà commencé. Pierre Mouriquillé, il est porte-parole de la police, qui nous dit également sur un autre sujet que les candidats agents de police ayant réussi au récent test de recrutement sont priés de rejoindre les centres d'instruction au plus tard dimanche. Cela ressort dans le communiqué du ministère de la Sécurité publique de ce jeudi. Pierre Mouriquillé indique que toutes les doléances soulevées par certains lauréats ont été traitées favorablement par la commission chargée du recrutement. Le ministère de la Sécurité publique invite les candidats agents de police ayant réussi le dernier test d'entrée à la police à rejoindre les centres d'instruction dimanche prochain à 16h. Le centre d'instruction de Buganda, en province de Cibitoki, accueillera les candidats agents ressortissants des provinces de Cibitoki, Bubanza, Muramvya, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural et Lumonge. Le centre d'instruction de Bururi, situé au chef-lieu de la province de Bururi, accueillera les candidats agents ressortissants des provinces de Bururi, Ruyigi, Rutana, Makamba, Mwaro et Gitega. Le centre d'instruction de Ngozi, situé au chef-lieu de la province Ngozi, accueillera les candidats agents ressortissants des provinces de Ngozi, Kayanza, Kirundo, Karuzi, Et qu'en est-il avec les doléances avancées par certains lauréats après la publication des premiers résultats de ce test de recrutement? Toutes les irrégularités ont été corrigées à tel point qu'après on a sorti les listes définitives des candidats et a réussi au test. Et ce sont ces candidats qui se trouvent sur ces listes qui sont concernés par ce communiqué. C'était Pierre Mouriquillé, il est porte-parole de la police nationale. Ses propos ont été recueillis par Placide Niyomongere. Il est 13h à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La justice a rendu un jugement en faveur d'une orpheline dénommée Rosine qui va reprendre la propriété d'une parcelle située dans le quartier Mirango 1 à Kamenge en mairie de Bujumbura.

Il n'avait pas pu attendre son installation effective au poste programmée le 26 février. Étienne Tshisekedi n'aura finalement pas eu le temps de relever l'ultime défi de sa riche carrière politique. En Afrique du Sud, la ministre de la Santé a rendu son tablier après la publication des rapports attribuant la mort de 94 patients à la négligence de son ministère. Le site de la BBC Afrique écrit qu'un rapport présenté mercredi matin par un ombudsman local affirme que les patients sont morts l'année dernière après leur admission dans des établissements de santé appartenant à des organisations non gouvernementales exerçant dans l'illégalité et que le département ministériel a autorisé l'admission des patients dans ces établissements dans le but de faire des économies. L'Union africaine soutient un retrait collectif des pays membres de la Cour pénale internationale. La décision a été prise à huis clos lors du dernier sommet à Addis Abeba. Elle n'est pas juridiquement contraignante pour les États membres. Comme l'écrit le site web de la BBC Afrique, plusieurs dirigeants du continent accusaient la Cour pénale internationale de poursuites injustifiées. L'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi se sont retirés de la Cour pénale internationale au cours de l'année 2016. La Gambienne Fatou Bansouda est la procureure spéciale de la Cour pénale internationale et Sidiki Kaba, le ministre sénégalais de la Justice, dirige l'Assemblée des États partis de la Cour pénale internationale. Didier Nyonzima, c'est par ces nouvelles brèves internationales que nous refermons ce journal. Il est 13h12 à Bujumbura. Merci à vous tous de l'avoir suivi.